Lorsque le premier ministre par intérim du Mali a fait des leçons comment? À ce monsieur en direct devant le monde entier, lui rappelant quel est son rang, lui rappelant son rang, et lui faisant les cours de subsidiarité juridique. Voilà, c'était en direct. On le débat est clos à ce niveau-là. Nous, on assume ça. Nous sommes en guerre. Et nos armes, n'est-ce pas, bien que ce soit des armes non violentes, ont la puissance d'une bombe atomique. C'est la parole. Un genre de parole dont la compréhension est réservée aux initiés. Mais non, de tuer ça, ça marche. Le président américain ne m'impressionne pas. Il n'y a pas des histoires que première puissance mondiale, des criminels comme ça, ça ne nous impressionne pas. Les histoires de l'Union européenne avec sa présidente, là, cette malade mentale, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous impressionne pas. Tous ces gens-là, je ne sais pas de qui ils ont reçu le mandat pour bâtir un monde comme ça qui a fait de terreur, de crimes, de mensonges et d'escroquerie. Afrique Média, le monde, c'est nous.